Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'aérospatial, premier épisode de l'année 2024. Bonne année tout le monde! Je suis en studio ce soir avec Mathilde Harvey-Morin. Bonsoir Mathilde! Bonsoir ma chère Christelle, bonne année à toi! Merci! Ça va bien Mathilde? Oui, super excitée pour notre premier épisode de la saison. Oui, alors l'aérospatial, c'est l'hebdomadaire d'actualité artistique qui est entièrement dédié aux arts visuels, qui est produit et diffusé sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et ce soir, on débute l'année en excellente compagnie. Mathilde, peux-tu nous résumer un peu le programme de l'émission de ce soir? Oui, bien sûr. Donc, on commence avec Charlotte Carouche que nous recevons. C'est une artiste et étudiante au baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Elle vient nous parler de son exposition « Réflexions féministes » qui est présentée du 15 janvier au 16 février 2024 à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Ensuite, on se joint à la discussion Audrey Carreau pour parler de son rôle de commissaire pour la réalisation de l'exposition « Regard public oblique » de Paris Martin au Musée des arts contemporains de Baie-Saint-Paul. Oui. Alors, Audrey vient juste d'arriver en studio. J'ai très hâte, en fait, d'avoir cet échange-là avec elle. C'est la sélection audio de ce soir, comme d'habitude, nous a été préparé par Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL. Il nous propose de découvrir le dernier album de Chloé Jara Buteau, qui est une artiste de Montréal. L'album s'intitule « L'année du lapin ». C'est un album qui a été paru, en fait, qui est sorti très, très récemment, décembre 2023. Il nous offre des rythmes doux et accessibles, empreints d'une teinte d'espoir. On se laisse tout de suite avec la première piste intitulée « Cire d'oie ». Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro et vient de se joindre avec nous Charlotte Larouche, jeune artiste et étudiante en arts visuels. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Christelle, bonsoir Mathilde. Ça fait vraiment plaisir de t'accueillir comme première invitée de l'année. Je trouve que ça donne un superbe ton, en fait, à l'émission, de recevoir une artiste qui propose son premier solo, je pense. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un beau début de carrière. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis vraiment enthousiasmée par tout ce qui se passe en ce moment. Vraiment. J'imagine. Alors si, avant de parler de ton expo, on refait un peu ton parcours. Oui. Comment t'as fait le choix des arts visuels? Comment ça t'est arrivé? Ah, c'est une belle question, ça. J'ai toujours adoré faire de la création. Depuis que je suis jeune, tu sais, c'est vraiment cliché de dire ça, mais dès que j'avais un temps libre, j'avais envie de faire du bricolage. J'écoutais la télé, j'en faisais tout le temps. J'avais tout le temps un projet devant moi. Quand j'étais au secondaire, ça s'est comme concrétisé un peu plus parce que là, mes parents m'ont permis d'avoir un atelier dans le sous-sol. Puis là, vraiment, là, je pouvais faire tout ce que je voulais. J'étais plus concentrée sur des figurines en fimo. Je travaillais le carton, je faisais des formes en carton, puis je travaillais la résine aussi. Puis en fait, j'ai étudié au cégep en histoire. Ensuite, j'ai bifurqué vers le design de mode à l'UQAM, pas longtemps. Puis c'est quand j'ai étudié vraiment en design de mode que je me suis rendu compte que justement, le design de mode, c'était un peu trop restreint pour toutes les idées que j'avais. J'avais comme l'impression que j'avais envie de mélanger toutes sortes de choses. Puis, quand je suis partie de Montréal, tout juste avant que je parte, j'ai lu dans un livre de mode, une artiste qui était à la fois designer, mais aussi une artiste contemporaine. Puis, il était écrit dans le livre, ça m'avait tellement... C'est parce que c'est à ce moment-là, je ne savais pas si je quittais Montréal ou pas. Puis, l'artiste dit, mais je ne me rappelle pas c'est qui, que... Elle, au début, elle a commencé son parcours en design de mode, mais elle se sentait plus comme une artiste. Puis ça, là, ça a comme été tellement fort en moi. T'as vu un miroir, ouais. Tu t'es vu dans le miroir. Oui, ça m'a comme donné le go de partir. Puis ensuite, c'est un peu là, quelques mois après que je me suis inscrite en art visuel, puis je regrette vraiment pas, là, ma vie a fait un 180 degrés, je suis tellement heureuse. Et puis, tu as choisi tes disciplines, donc, pendant ton parcours. Oui. On voit dans ton exposition que tu te concentres peut-être particulièrement avec la performance et puis la sculpture et la sculpture performative. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu ton interprétation de la sculpture dans le contexte performatif? Oui, tout à fait. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, en fait, c'est que la sculpture, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en soi. J'adore penser à des idées en 3D. Puis la performance aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup aussi. J'ai eu l'occasion d'y toucher, d'en faire depuis le début de mes études. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai eu l'idée de faire le projet de la femme table, femme chaise qui est présent dans l'exposition. Oui. Puis j'appelle ça des sculptures performatives parce que c'est des performances qui nécessitent de ne pas bouger puis qui imitent un objet qui est immobile, en fait. Donc, c'est un peu la raison pourquoi j'appelle ça des sculptures performatives. Puis, ça rend ça aussi, ces performances-là sont extrêmement physiques et difficiles à tenir parce que c'est des sculptures, pour ceux qui les ont jamais vues, c'est des hybrides entre des hommes et... excusez-moi, vraiment pas. entre des femmes ou des personnes, ainsi que des structures de plexiglas. Donc, c'est vraiment des hybrides pour créer des femmes tables, femmes chaises. Puis, la sculpture performative, pour moi, c'est vraiment... une manière de... C'est vraiment un médium en soi. Je pense que je le conçois vraiment de cette manière-là parce que c'est tellement à mi-chemin entre la sculpture, à mi-chemin entre la performance, parce que quand je fais ces performances-là, je les appelle aussi des performances, mais j'ai pas l'impression d'être dans une grande... j'ai pas l'impression d'être dans une grande performance théâtrale comme je peux avoir tendance à faire dans d'autres types de performances que je fais. Alors que là, c'est vraiment... Mon objectif est simplement d'être concentré à endurer la douleur puis à tenir la pose de table ou de chaise. Donc, c'est vraiment... Toute mon attention est portée à imiter un objet qui est inhumain. Le corps devient objet et l'objet n'existe pas sans sa relation au corps. Exactement. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu tes objets dans ton expo. Alors, présentons ton expo avant d'aller trop loin sans que les auditeurs aient le contexte. Ça s'appelle « Réflexion féministe ». C'est un titre très audacieux. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Effectivement, c'est sûr que d'appeler ça « Réflexion féministe », de nos jours, c'est très vague de d'appeler ça que réflexion féministe. Quel type de féministe? À quelle branche est-ce que je pourrais me raccrocher? Pourquoi féministe aussi? Ça pourrait être le titre d'un essai, d'un article. Oui, exactement. C'est un titre qui n'évoque pas beaucoup d'image. Hein? C'est vrai, tout à fait. Effectivement. En fait, c'est parce que mon exposition, comment qu'elle est conçue, ce sont des projets. C'est 5 œuvres que j'appelle des projets, là, donc j'utilise les deux termes, que j'ai faites lors des 3 dernières années, qui sont les projets, en fait, se sont tous conçus à partir vraiment d'une réflexion que j'ai pu avoir concernant vraiment la condition de la femme, que j'ai pu soit que j'ai pu constater, un enjeu qui me touche énormément. Donc, en fait, ça s'appelle « Réflexion féministe » parce que j'ai l'impression, du moins, que ça peut susciter des questionnements, ça peut susciter des réflexions, mais principalement, ça part de mes réflexions à moi. Ah. Donc, c'est la genèse de tes projets. Ce sont ces réflexions que tu portes qui sont d'ordre féministe. Exactement. Bon. Alors, ton rapport, toi, au féminisme, il est théorique, pratique, expérientiel. Mm-hmm. T'es tombée dans la sauce à l'université. Comment ça s'est passé? En fait, je pense que j'ai toujours été un peu... c'est facile de dire ça, là. En fait, mes préoccupations par rapport à la condition de la femme, ces préoccupations-là se sont développées, à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Puis, concrètement, quand j'ai commencé à étudier en art, on aurait dit que mes idées s'en allaient tout le temps vers des idées qui parlaient de la condition de la femme. Donc, on dirait que ça se fait un peu tout seul. C'est comme si c'était omniprésent. Il y en a que ce qui est tout le temps dans leur tête, c'est une couleur, puis ils travaillent tellement à partir d'une chose en particulier. Mais moi, on dirait que, instinctivement, j'ai pas tant besoin d'y réfléchir. C'est tellement des préoccupations qui sont comme un peu tout le temps dans ma tête, sans être la personne qui est comme à la recherche des injustices, là. C'est oui, juste, mais ça c'est peut ça. Être un point d'ancrage c'est aussi. Ça. Il y a plusieurs personnes qui se revendiquent de ces théories-là féministes, justement à cause d'un ressenti d'une profonde injustice. Ouais. D'autres, c'est simplement leur relation au monde qui oui. se rejoint constamment de cette réflexion-là qui évolue, parce que bon, le féminisme aussi a beaucoup évolué dans les 40 dernières années. Maintenant, on sort en fait des transformations suite aux théories queer, aux théories postcoloniales, et là, on est dans un féminisme qui questionne tous les rapports au pouvoir, tous les rapports au corps, aux réalités, à l'environnement. Donc, c'est très large. Vraiment, tout à fait. Puis c'est un bon... C'est quelque chose que tu abordes qui est très intéressant. C'est toutes les théories queer et tout. C'est-à-dire... C'est une question à laquelle je me questionne énormément dernièrement. Sur laquelle je me questionne énormément. C'est, tu sais, par rapport à... T'sais, je dis réflexion féminisme, mais le féminisme, c'est vraiment pas juste, évidemment, t'sais, à l'égalité entre les hommes et les femmes, là, mais t'sais, à comme, c'est-à-dire... Ben, je dirais même que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est très deuxième vague. C'est exactement ça, parce que moi, dans mes performances Femme Table, Femme Chaise, j'ai eu des collaborateurs qui sont venus performer les Femme Table, Femme Chaise, uniquement les Femmes Chaises. Dans la vidéo qui est présentée dans la salle d'exposition. Puis, il y a une personne qui a fait la femme chaise, qui est une personne non-binaire. Mm-hmm. Donc, tu sais, des fois, c'est des questionnements que maintenant, auxquels il faut réfléchir sincèrement, puis auxquels je n'ai pas nécessairement de réponse à dire... Parce que je me suis sincèrement questionnée, est-ce que je change le nom? Comment j'appelle ça maintenant et tout? Mais il reste quand même que j'ai quand même gardé ça, le nom Femme Table, Femme Chaise, étant donné que y en a dans le monde qui n'ont pas le choix d'être ce qu'ils veulent. Oui, puis l'identité femme demeure, en fait. Ça Exactement. Demeure un archétype, ça demeure... Oui. Ce n'est pas une exclusivité, puis ce n'est pas la seule option qui existe. Non, c'est ça. Mais ça demeure comme, comme un archétype très, très fort. C'est ça. Des représentations. Il y a aussi une partie de ton exposition qui est fort intéressante, qui est relative au texte, au langage. J'aimerais savoir, en fait, comment te fait le lien entre la sculpture, l'objet dans l'espace, et puis la grammaire. Ouais, le « e », évidemment. Oui, bien, effectivement. Mais en fait, c'est que... j'ai fait cette œuvre-là en 2022, puis c'est quand même récent. Comment j'ai fait le lien pour faire les deux dans l'espace, c'est au début, je m'imaginais écrire humain. Point E. Humaine. Ouais. Puis, à un moment donné, Puis moi, je suis très intéressée par l'art public, puis l'art qui est vu par tout le monde dans la rue, tu sais, simplement. Le monumental. Ouais, c'est ça, le monumental, puis qui a pas de barrière, tout le monde peut le voir, puis des formes abstraites, là, pas abstraites, un E, c'est pas abstrait du tout, là, mais ça le devient à tellement gros, ça peut le devenir. Puis, je parlais avec une amie, puis elle me disait, j'étais comme, ouais, je pense que j'aimerais ça faire humaine.e, tu sais, humain.e, tu sais, pour voir la différence entre les deux. Puis là, elle était comme, non, c'est juste le E, faut que tu fasses, tu sais. Moi, je voulais faire au complet. Fait que, tu sais, c'est une idée qui est comme née d'une discussion avec, tu sais, une autre personne, avec une amie. Puis là, c'est là que tout est né. Là. La grosseur, parce qu'au début, je voulais pas faire ça gros particulièrement et tout, mais je savais pas ce que je voulais faire en 3D et tout. C'était juste un sketch. Là. Puis là, l'idée de la grandeur, de la surdimension, puis le fait que ça soit 4 par 7 pieds. T'sais, 7 pieds, c'est comme plus grand que tout le monde, presque. Là. Ouais. Fait que, puis c'est l'idée aussi que ça domine la personne qui soit à côté de toi. Puis moi, quand j'ai eu envie de faire cette sculpture-là, en fait, ça partait vraiment, tu sais, c'est quand même des questionnements qui sont de plus en plus courants là, dans les 5 dernières années. Oui, là, c'est très, très... L'écriture... inclusive, oui, non-genrée, oui. Toutes ces choses-là. Puis... Moi, ça m'a fait vraiment questionner. J'ai étudié en histoire par le passé, puis vraiment, je me suis rendu compte avec ces questionnements-là qui sont arrivés, mais waouh, OK, c'est fou à quel point l'histoire est très genrée, l'écriture est extrêmement genrée, puis Juste en parlant, moi, je travaille aussi comme travail étudiant avec des enfants dans les services de garde. Puis, dès qu'il y a un enfant, garçon, dans un groupe de filles qui se joint, un garçon qui se joint, tout le monde se met à genrer au masculin alors qu'on n'est que des filles. T'sais, fait le switch se fait tellement tôt et tout le temps que... Oui, cette règle-là de la domination du masculin sur le féminin dans notre syntaxe, notre grammaire, est intégrée très rapidement. On se le fait dire rapidement. Là. Je me rappelle, en première année, moi, ma professeure m'avait dit dès qu'il y a un gars, ça switch au masculin. Fait que tous ces questionnements-là, l'air du temps aussi m'ont inspiré. Puis, ben l'absurdité aussi d'être en tant que femme ou personne féminine et tout, d'être résumée à un point. C'est complètement absurde aussi. Je préfère complètement... évidemment, moi, je suis vraiment pour l'écriture inclusive et tout, mais c'est fou quand même d'être résumé à un point dans une structure qui est un... En tout cas, moi, ça me fascine. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui m'a inspirée. À le mettre en monumental, en présence monumentale, ouais. En glitter rose. Exactement. En plein milieu d'une belle salle d'exposition qui sied au cœur d'un pavillon universitaire, oui. Où se produit la connaissance. Ben, bien joué, Charlotte. Merci beaucoup. Écoute, j'aurais une dernière question rapide, oui. Pour toi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi prochainement? Ce qui s'en vient pour moi prochainement, c'est la fin de mes études du baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Puis, il y a une expo des finissants qui va se joindre à tout ça. Aussi, avec quelques artistes, on va présenter, dans le cadre de Manif d'or, une série de photos sur des passages extérieurs. Puis, sinon, peut-être une maîtrise éventuellement, je ne sais pas, mais on verra. Wow, t'es bien occupée. Oui, j'adore ça. Merci d'avoir partagé tes réflexions féministes avec nous. Après la pause, se joint avec nous la commissaire Audrey Caro, qui a travaillé avec Paris Martin à préparer son exposition rétrospective au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Peut-être tu accepterais de te joindre à nous pour la transition? Absolument. Ah, ça Merci fait plaisir. Beaucoup. Merci on beaucoup se retrouve après la pause audio. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, avec Mathilde Harvey-Morin à la console et à la co-animation avec moi. Exact. Mathilde, on est en studio accompagnée par Audrey Caro. Bonsoir Audrey. Bonsoir mesdames. Ça va bien? Très bien. Écoute, c'est un vrai honneur de te recevoir parce que t'as déjà été à la barre de cette émission. Donc, je me sens en pleine continuité avec l'héritage de l'aérospatiale, cette belle aventure, en fait, de témoignages, de témoins des arts visuels à Québec. Tout à fait. Puis c'est le fun de voir que la relève est là aussi, puis qu'on continue à parler d'arts visuels à la radio, ce qui est pour moi très important parce que, comme on le dit, tu l'as dit si bien d'entrée de jeu, c'est le seul magazine qui est dédié à ça sur les ondes radiophoniques. Et puis, c'est une autre manière d'aborder l'art quand on est à la radio plutôt qu'à la télé parce que il n'y a pas de support visuel. Alors, faut user de belles descriptions et aussi d'imagination pour témoigner, parler de l'art. Ça nous force, en fait, à avoir un bel exercice de vocabulaire, mais aussi de faire, en fait, entendre différentes voix nous parler d'art visuel. Donc ça, c'est une de mes ambitions, en fait, de mes intentions pour l'émission. Et c'est, entre autres, pourquoi j'ai demandé à Charlotte Larouche de rester avec nous le temps de faire la transition entre nos deux sujets. Parce qu'on on te reçoit ce soir parce que tu as travaillé en collaboration avec Paris Martin pour préparer la belle exposition qui est en montre au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, Regard oblique. Et je voulais savoir, comme Paris a eu un impact majeur sur l'ensemble des artistes et de la communauté artistique de Québec. Comment chacune de vous avez rencontré l'œuvre de Paris? Oui, bien, en fait, je peux commencer. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer en 2020-2021, lors de mon année de certificat. Puis cette année-là, c'était particulier parce qu'il y avait encore là, toutes les règles des bulles et tout. Donc, Paris donnait plusieurs cours au certificat. Donc, j'en ai eu là, vraiment plusieurs avec elle. Puis, il y a une connexion qui s'est faite entre elle et moi et puis tous les gens du groupe. Puis, tu sais, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, c'est avec elle qu'il y a quelque chose qui a vraiment débloqué là, dans ma confiance puis aussi dans ma manière de concevoir l'art. Il y a quand même une certaine fougue puis elle dit tout le temps qu'elle est elle punk. Elle dit souvent qu'elle est punk, puis que c'est une artiste quand même aussi, c'est une femme qui a qui perdure dans le temps énormément. Donc, c'est inspirant, en fait. Ouais. Ouais, je trouve ça le fun. Puis, depuis ce temps-là, je la connais. Ouais. Et donc, tu suis son travail? Oui, tout à fait, effectivement. Je suis son travail. J'ai eu la chance aussi de travailler un peu dans ton atelier. Puis, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais mes hommes, grand privilège. Vraiment, vraiment. C'est pas tout le monde qui fait ça, sincèrement. Là, c'est vraiment cool. C'est ouais. Très, très cool. Et toi, Audrey, comment t'as fait la rencontre de Paris et de son œuvre et de son travail? Moi, j'ai malheureusement pas eu le privilège ou l'occasion de suivre des cours parce que je ne suis pas artiste moi-même, mais historienne de l'art. Cependant, c'est il y a une dizaine d'années que j'ai rencontré cet artiste-là sur ma route. Je faisais partie du cercle des collectionneurs d'art actuel. Et puis, c'est dans le fond, c'est des amis qui étaient sur ce cercle-là qui m'ont fait connaître son travail. Et puis, c'est drôle parce que depuis ce temps-là, à vrai dire, j'ai appris tranquillement, on s'est côtoyés, j'ai suivi ses expositions puis l'évolution de son travail. Et puis, j'ai eu l'occasion après ça de travailler avec elle pendant 5 ans à la Galerie 3. Donc, j'y travaillais comme directrice adjointe et puis j'ai eu l'occasion et le plaisir de monter ses expositions à la galerie avec elle, de promouvoir son travail dans le milieu marchand de l'art. Et puis, c'est vraiment là que j'ai compris dans une plus grande profondeur aussi toute l'œuvre de cette femme-là. Elle me fascinait, puis j'ai même d'ailleurs eu cette discussion-là avec elle en disant, tu sais, Paris, au début, quand j'ai croisé ton travail, je sentais que tout le monde autour de moi l'appréciait, mais j'ai dit, ça m'a pris du temps avant de me plonger puis de le comprendre, parce que c'est une œuvre qui est complexe, qui est dense. Et puis, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai fait, ah! OK, on a eu beaucoup de discussions, elle nous a présenté son travail aussi, puis bien sûr, l'art, quand on donne tout le temps dont il nécessite, à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre et puis on plonge complètement dedans. Et voilà, fait que c'est super drôle de voir comment ce cheminement-là s'est fait sur plusieurs années. Et puis me voilà aujourd'hui à réaliser un premier regard rétrospectif sur son parcours si riche et florissant. Oui, c'est ça. On parle de 40 ans de carrière. Tout presque, effectivement, oui. On parle à peu près du milieu des années 80. Donc, et puis, je trouve ça très intéressant ce que tu nous as dit à propos de son enseignement parce que j'ai côtoyé plusieurs artistes qui l'ont eu. Puis, en tout cas, bref, c'est une grande pédagogue. Et puis, avec Paris, je pense qu'on a vraiment l'heure juste. Puis, elle aime bousculer aussi les étudiants. Attendre le bon moment juste pour qu'ils se rendent au bout de quelque chose et d'arriver et dire « Wow, minute, attends un peu, là, tu sais, puis c'est ça. » Fait que voilà, fait que c'est bien intéressant comme processus et puis aussi pour des jeunes femmes, mais voilà, c'est très inspirant de voir cette grande artiste féministe-là aussi pour de l'avoir perdurée dans le temps et d'être aussi prolifique. Oui, puis de comprendre à travers l'exposition rétrospective tout le cheminement qu'elle-même a fait et l'influence qu'elle a eue à travers les années sur des générations d'artistes. Tout à fait. On reprend la discussion après la pause publicitaire. On écoute aussi quelques pistes de l'artiste Chloé Jara Buteau et on revient avec Audrey Caro au retour de la pause. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin à la console et Audrey Caro. Rebonjour. En entrevue avec nous, une entrevue fort intéressante jusqu'à date, mais là, pendant la pause, on n'a pas pu s'empêcher d'échanger, puis là, j'ai appris des belles choses. Alors, on va reprendre la discussion autour de l'exposition qu'Audrey a commissariée, une exposition intitulée « Regard oblique » qui est en montre présentement jusqu'à tard ce printemps. Oui, ben jusqu'au 2 juin, donc ça laisse amplement le temps à toutes et tous d'aller le visiter. Exact. Et c'est à Baie-Saint-Paul, au Musée d'art contemporain, au rez-de-chaussée, accessible à tous. Tout à fait, puis c'est vraiment le grand espace. J'ai pris le hall, puis j'ai investi aussi la vitrine. Bref, je me suis fait un grand plaisir de jouer avec le lieu, oui. Puis ce qu'on m'offrait. Oui. Ça vaut la peine de faire la route. Moi, j'ai été très, très nourrie par l'exposition. J'ai jamais regretté les kilomètres avalés. Oh non, aller. Puis c'est à côté, ben c'est pas, là, en plus, là, on parle d'à peu près une heure là, oui. De route, puis oui. C'est tellement beau. allez-y au printemps si vous voulez pas affronter l'hiver, là, la route, là, mais il y a beaucoup à faire en même temps là-bas à Baie-Saint-Paul. Là. Exact. Alors, Audrey, tu me racontais que l'initiative de créer cette exposition-là vient de toi en discussion, en échangeant avec le musée. Bien, en fait, c'est que l'été dernier, j'avais commissarié l'exposition de BGL qui avait été présentée donc pendant la saison estivale jusqu'au mois de novembre. Et puis, on avait aimé notre collaboration. On avait lancé des noms d'artistes comme ça. Puis, c'est resté un peu en suspens. Et puis, il y a une nouvelle directrice qui est arrivée en place, une personne que j'ai croisée pendant mon parcours aussi auparavant. Et au printemps dernier, elle m'arrive avec une magnifique proposition de dire « Audrey, on a envie d'une exposition de Paryse Martin à Baie-Saint-Paul parce que, pour la petite histoire très rapide, Paryse a déjà été coordonnatrice au symposium à Baie-Saint-Paul. » Employée au musée il y a fort longtemps. Fort longtemps, c'est ça. Mais donc, elle a un lien d'amour avec la place, avec le lieu. Puis elle dit « On a envie de lui rendre hommage, de lui offrir cette plage d'exposition et c'est toi qu'on aimerait qui commissarise cette exposition-là. » Alors, hein, quel plus beau cadeau que de se faire offrir une exposition avec une artiste dont on apprécie plus que tout le parcours et l'œuvre. Et c'est comme ça que c'est venu. Là-dessus, on m'a donné carte blanche et j'ai finalement, au fil de recherche, je me suis donné le défi de faire une... de poser, je dis... J'ose pas trop dire la rétrospective, mais un regard rétrospectif parce que, bon, une rétrospective, ça demande encore plus de temps de recherche, beaucoup de c'en est une, mais à la hauteur aussi du temps dont on disposait, de l'espace, des œuvres disponibles aussi, parce qu'il y a des œuvres qui existent, mais il y a des œuvres aussi qui n'existent plus dans son parcours, comme beaucoup d'artistes également, mais je me suis dit, ben tiens, amusons-nous puis allons fouiller dans le travail de Paryse pour le montrer parce que ça ne s'était jamais fait auparavant. Mais la distinction est importante. Je te remercie de le faire parce qu'une rétrospective complète de l'œuvre de Paryse, il y a encore de la place pour la faire si jamais une autre institution se lance ce défi-là avec plus de temps, plus de moyens. Il y aurait en fait d'autres œuvres à découvrir. Donc, certainement, oui, c'est sûr. Il y en a plusieurs autres, tu sais, comme... Faire un commissariat, c'est choisir aussi, hein? Puis il y a comme une personne proche de moi dit souvent, des fois choisir, c'est renoncer à certaines choses aussi. Puis il y a tous des facteurs aussi. Paryse étant très collectionnée auprès des collectionneurs privés, bien, des fois, on n'a pas toujours accès ou il y en a qui sont partis dans la brume aussi. On ne sait plus où sont exactement les œuvres. Donc, c'est pour ça que des fois, le facteur temps joue un petit peu contre nous. Mais en même temps, ça fait, somme toute, cette exposition-là, on parle à travers de 4 décennies de travail. Alors, ça donne déjà un très bel aperçu. Un beau portrait dans le temps, chronologique, mais aussi une quantité d'œuvres quand même impressionnante. On parle de 75 œuvres qui proviennent de près de 30 prêteurs ou collectionneurs privés. Donc, c'est une recension quand même de grande envergure que tu as réussi à faire. Tout à fait. Bien, le fait d'avoir travaillé avec elle pendant si près, là, justement, pendant l'époque de la galerie, ça m'a permis de connaître plusieurs des acheteurs, des derniers acheteurs de son parcours. Aussi, j'ai eu la chance, quand on parle de 30 prêteurs, il y a des privés, mais il y a aussi des institutions comme Desjardins a collaboré à l'exposition. Le Musée national des beaux-arts du Québec, il faut le dire, a été extrêmement généreux parce que c'est le musée qui a le plus d'œuvres de Paryse Martin dans sa collection et j'ai eu l'occasion d'en sortir 7 des voûtes, donc, et pas les plus petites, je vous dirais. Là, et c'est... pas les plus insignifiantes non plus! Exactement, ça montre le beau travail de conservation aussi des conservateurs au fil du temps qui ont acquis ces œuvres sur plusieurs décennies parce qu'ils ont des pièces des années 80, 90, 2000, 2010 et même depuis tout récemment, des années de 2022 également aussi. Là. Donc, des œuvres, en fait, qui ont rarement été présentées aussi au cœur des expositions. Là, j'ai entendu, peut-être tu me corrigeras, mais que la petite histoire, c'est que des œuvres avec des représentations phalliques, en fait, ne font pas partie toujours des expositions ou des montres que font le Musée national des beaux-arts, alors que dans le cadre de l'expo que vous montiez à Baie-Saint-Paul, vous aviez la liberté d'assembler des œuvres qui étaient peut-être un peu plus challengeantes. Bien, ça dépend. Le musée a eu l'audace, là, si je peux me permettre de corriger un petit peu. Bernard Lamarche, en 2016, avait présenté ces fameux phallus, là, puis disons-le, les pénis que Paris avait fait dans la fin des années 80, mais c'était, si ma mémoire est bonne, seulement la deuxième fois que ces pénis-là étaient exposés au public. Puis pour la petite histoire, ça avait fait scandale à l'époque, années 80, parce que Paris devait les présenter avec d'autres pièces dans une exposition au musée du Bas-Saint-Laurent. Et puis, ça avait dérangé un peu en se disant, les autorités muséales se disaient, comment va réagir la clientèle? Bref, il y avait eu tout un scandale et Paris, ils avaient renvoyé Paris avec ça. Donc, à la maison, ils avaient décidé de ne pas exposer du tout son travail. Et finalement, elle avait décidé de ne pas laisser ça comme ça. Elle avait été voir des journalistes et ça avait fait grand bruit dans les médias. Donc, Paris a été un peu provocatrice à certains moments. Je pense qu'elle aime bousculer pas juste ses élèves, mais aussi le monde du milieu de l'art contemporain aussi pour amener à ce qu'on se questionne aussi sur certaines de ces choses-là. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on les représente au musée sous une autre façon, intégrée dans une installation qui recoupe 40 œuvres, 40 pièces. Et on les a placées à l'intérieur. Et c'est drôle parce que même encore, ça dérange aujourd'hui. On pense qu'aujourd'hui, on est très à l'aise avec ça. Oui. Puis tu sais, il faut le dire, c'est pas des représentations phalliques très naturalistes. Disons, elles sont très rigolotes, très surréalistes aussi. Bref, ce sont des pénis qui sont décoratifs, en quelque sorte. Oui, c'est très fantastique. Beaucoup dans l'imaginaire, la cosmogonie de Paris, là, où les plantes, les animaux, les humains, tout est foisonnant, un peu du même ordre, en fait. Oui, puis c'est rigolo, là, tout ça, là, je veux dire. Mais encore, au vernissage, il y a des gens que ça dérangeait. Je vous donne un exemple. Il y a un caméraman qui était sur place pour filmer des plans de vue, donc de l'exposition, puis il a dit non, moi je filmerai pas ça. Non, c'est pas vrai. Fait que c'est drôle encore aujourd'hui, ça peut vexer des gens, puis je trouve ça beau quand même aussi parce que ça montre encore toute la force de ces œuvres-là aussi, la pertinence, puis comment les mentalités aussi évoluent avec le temps. Bien, c'est drôle parce que Gabrielle Bouchard, j'ai lu dans quelques articles qui ont été publiés. Gabrielle, c'est la directrice générale conservatrice en chef du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul avec qui tu as collaboré pour monter l'exposition. Elle disait que c'est une douce rebelle, en fait, que c'est une artiste très féministe dans la douceur, qui fait des œuvres qui sont très attirantes, mais elle ne nous prend jamais pour des innocents. Paris. Exactement, c'est très bien dit. Puis d'autres journalistes ont utilisé d'images encore plus évocatrices aussi. On l'a appelée la punk aux gants de soie. Oh, wow. Ben c'est ça, c'est quelqu'un qui nous provoque, mais qui use toujours de petits gants bien dentelés pour nous amener des sujets qui parfois peuvent déranger ou nous sembler tabous aussi, comme justement l'histoire des phallus. Mais elle aime nous sortir de nos regards, si je peux dire, habituels. C'est pour ça que j'ai appelé ça « Regard oblique », qui est d'ailleurs le titre d'une de ses œuvres qui est à l'entrée de la salle. C'est que Paris, elle ne nous montre jamais la réalité en face. Au contraire, elle nous séduit par tous ses artifices de séduction, que ce soit la couleur, la beauté, l'imaginaire. Mais derrière ça, il y a l'étrangeté. Il y a quelque chose parfois d'inquiétant, voire de même monstrueux, et quelque chose qui nous rentre dedans à certains moments aussi, qui nous montre un regard lucide sur le monde. Oui. Sur les relations aussi, il y a beaucoup de tendresse dans les pièces qui sont évoquées. Et il y a des solutions, des petites solutions. Moi, ce sont des amis artistes qui m'ont dit « Il faut absolument que tu ailles voir le show de Paris à Baie-Saint-Paul », puisqu'il y avait dans les œuvres, dans les matériaux utilisés, dans la façon de s'en sortir des fois avec la pauvreté des matériaux auxquels on a accès en début de carrière pour aller faire des grands formats pour dépasser la matière puis réussir à proposer des rondeurs extraordinaires, des lustres vraiment magnifiques. Alors j'ai trouvé dans l'Expo de Paris, dans des œuvres réalisées dans les années 80, des solutions pour le travail que j'essaie de conquérir aujourd'hui. Donc la pertinence du dialogue avec les artistes, avec le public est vraiment, vraiment impressionnante. Il y a dans Le Devoir, Elisabeth Cardin, qui a publié un papier sur les expos importantes en région cette année et qui a dit de Paris que c'était un monument de l'art canadien. J'imagine que tu en penses autant, hein, Audrey? Tout à fait, oui. Puis c'est vraiment une grande dame qu'on connaît, nous, ici, dans la communauté de Québec, mais qui n'a pas, selon moi, toute la lumière qu'elle mérite pour tout le parcours qu'elle a accompli. Donc, j'espère que cette exposition-là puisse faire encore plus rayonner son travail. On est à travailler à ce que ça circule aussi ailleurs. Alors, je me croise vraiment les doigts que les institutions muséales qui ont été approchées embarquent dans notre projet de rayonnement de son travail. On se croise les doigts, on le souhaite très, très fort. Merci beaucoup pour ton travail, Audrey. Ça nous donne accès à beaucoup de beauté et beaucoup de propos enrichissants. Oui, allez-y, vous allez voir et saisir toute la lumière de Paris. Ça vaut vraiment le détour, vous ne serez pas déçus. Merci encore, Audrey. Au plaisir! À bientôt! On se quitte pour une courte pause audio. On écoute les pistes Numéro et Baxter de l'album L'année du lapin de Chloé Jarabuteau. Et au retour de la pause, on vous présente l'agenda de la semaine. À l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro avec Mathilde Harvey-Morin à la console et avec moi pour vous présenter l'agenda de la semaine. Cette semaine, en fait, demain, on commence avec le MNBAC qui nous propose, donc le 24 janvier, demain mercredi, un 5 à 9. Le 5 à 9, c'est une formule que le MNBAC utilise souvent, mais cette fois, c'est pour nous présenter une veillée, chanter, danser, compter, inspirée par l'exposition Voir la nuit. Donc, dès 17h, le MNBAC nous invite à partager le plaisir des traditions vivantes en participant à un dialogue entre les œuvres de la collection et les arts traditionnels. Donc, Chanter la nuit à partir de 17h nous propose une visite chantée de l'exposition Voir la nuit, imaginée par Gabrielle Boutillier, transmetteuse de patrimoine chanté. Ensuite, à 17h30, sous la direction de la calleuse Capucine Maldag et au rythme de la musique de la famille Aucoin, la veillée se transporte dans le hall du pavillon Pierre Lassonde et devient dansante. On découvre alors le plaisir contagieux d'un set carré ou d'un quadrille. Nul besoin de savoir déjà danser. Laissez-vous guider et entrer dans la danse. Et enfin, vers 20h, ce sera Compter la nuit. Quoi de mieux qu'une veillée de contes pour laisser l'imagination s'emparer de la nuit? Et le MNBAC nous propose d'embarquer pour une traversée merveilleuse, pilotée par Robert Boutillier, conteur passionné. On continue toute la soirée. Le MNBAC nous propose un atelier créatif qui s'intitule Mascarade nocturne, conçu par l'artiste Daniel Boutin. Elle nous propose de créer un masque onirique, original ou un personnage à partir de matériaux et accessoires réagissant à la lumière noire. Tout ça est accessible au MNBAC dès 17h. Allez vous amuser avec les arts vivants. Mardi prochain, le 30 janvier de 17h30, à 17h30, la Maison de la photo de Québec propose rencontre avec le photographe documentaire Renaud Philippe et discussion sur l'importance de l'indépendance, du temps et de l'engagement personnel en photographie documentaire. Renaud présentera et commentera le travail qu'il mène avec sa conjointe, l'anthropologue brésilienne Carole Mira, depuis janvier 2022 sur la reprise de territoires ancestraux par les autochtones Guarani au Brésil. On vous invite aussi à aller voir les expos qui sont vernis depuis la semaine dernière lors de la rentrée culturelle. La première expo que l'on vous invite à visiter, c'est le banc d'essai 2024 à la Galerie des arts visuels. L'expo banc d'essai présente à chaque année les œuvres de jeunes artistes inscrites en deuxième année du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'École d'art de l'Université Laval. Cette 19e édition regroupe les œuvres de Camille Duchesne, de Jade Dumont-Gariépy et d'Alain Houd. C'est présenté du 18 janvier au 18 février 2024. Au centre à Akwayawonke. Parfait, merci. Et présenter une nouvelle expo intitulée Kwaye? Parfait. À la croisée de plusieurs chemins, une rencontre des médiums et des disciples, mais surtout de trois esprits de trois nations. Kwaye présente des œuvres d'Aisha Bastien-Diane, qui est Wendat, de Craig Commandant, qui est Anishinaabe, merci, et de Marie-André Gilles, qui est Ilnou. À la bande vidéo est présenté le projet Corps habité de Geneviève Thibault, en continuité avec ses projets précédents réalisés avec les Ursulines de Québec. Corps habité est une installation sonore qui traduit un espace par l'intermédiaire de la réalité virtuelle, de la description verbale, du corps, des sens et de l'empathie. C'est à voir à la bande vidéo jusqu'au 11 février. Et vous pourrez voir aussi chez VU, dans le cadre de la programmation « Tout ce que ça prend », une exposition intitulée « Petit rien » réunit les œuvres de Gaston Côté, Mélissa Lompré et Zeynab Mortaba. Enfin, à l'œil de poisson, dans la grande galerie est installée une grosse expo des membres qui est intitulée « La résonance de la nature ». Cette expo réunit les œuvres de Pascal Laliberté et André Ménard, chacun récipiendaire des prix Tombé dans l'œil remis aux finissants de la Maison des métiers d'art en 2021 et en 2023, Guillaume Tardif, Josiane Lantier, Isabelle Demers, Fanny Ménard et Olivier Roberge. Dans la petite galerie est présentée l'expo de Valérie Cain-Bourget, qui est aussi récipiendaire du prix Tombé dans l'œil 2023, cette fois-ci le prix qui était remis aux finissants de l'Université Laval. Son expo s'intitule « Code d'erreur 2. L'aube » et c'est en montre jusqu'au 16 février. Ben, c'est comme ça que se termine notre émission, notre première émission de la saison. L'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et Christelle Tremblay, moi-même, qui s'intitule « L'aérospatiale », est disponible, comme à chaque semaine, sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de « L'aérospatiale ».